l'appli Radio Player France, c'est faire le choix d'écouter ce que je veux, quand je veux, où je veux, en live ou en replay. Mais c'est aussi avoir le choix entre 230 radios, 700 web radios et plus de 200 000 podcasts. Ah oui, c'est un choix totalement gratuit aussi. Radio Player France, l'appli de toutes les radios. Je vous propose cette semaine de redécouvrir une série autour des fragments d'un discours amoureux de Roland Barthes, diffusé en décembre 2020. Aujourd'hui, troisième épisode, jalousie. Être amoureux, est-ce forcément être jaloux ? Pour Roland Barthes, le problème du jaloux, ce n'est pas tant qu'il soit agressif, ni qu'il soit fou, ni qu'il soit exclu, mais c'est qu'il est, comme tout le monde. Je t'ai vu, hein ? Tu m'as vu quoi ? La petite bonne, elle te plaît, hein? Quoi, l'autre petite bonne? Salaud. Quand tu veux. C'est ton genre, hein? Le côté petit canard sautillant, comme ça. Oh, petit canard sautillant, écoute, tu vas pas être jalouse, quand même. Ah non, moi, je suis pas jalouse du tout. De toute façon, je trouve ça idiot, la jalousie. Bon. Ou alors, faut aller jusqu'au bout. Jusqu'au meurtre. Mais c'est toi qui es jaloux, là. Moi? Croyez-vous que je sois jaloux? Pas du tout. Pas du tout. 23h42, faut que je rentre. Pourquoi ? Elle est jalouse ? Oui, mais à cause de ta jalousie. Je suis jalouse. Les jaloux, ils finissent toujours par être... comment vous dites Cornuto ? Moi qui, comme d'autres, et avec le temps, me serais cru à l'abri du besoin d'être aimé, je sentais le sirocco de la jalousie me souffler en rafale dans la région du cœur. I was dreaming of the past. My heart was beating fast. I began to lose control. I began to lose control. I didn't mean to hurt you. Bonjour Mathieu Messager. Bonjour Adèle Vanrette. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin depuis chez vous. Vous êtes à Nantes, n'est-ce pas ? Tout à fait. Nantes, où vous êtes maître de conférences en langue et littérature à l'université. Vous êtes également créateur du site roland-barthes.org et j'encourage chaque auditeur à s'y rendre pendant l'émission ou après. Est-ce que Mathieu Messager, comme Jean Rochefort dans le film d'Yves Robert, vous sentez le sirocco de la jalousie qui vous souffle en rafale dans la région du cœur ? Ah ben, quand on traverse en tout cas la passion amoureuse, telle que Barthes essaye de me la faire partager ici, la jalousie en tout cas est un point de repère, un point cardinal duquel il est très difficile d'échapper. Mmh. Et c'est d'ailleurs ainsi que Barthes le donne à lire, il me semble. Ça veut dire quelque chose de universel. Être amoureux, c'est être jaloux forcément pour Roland Barthes ? Être jaloux, c'est forcément, à un moment donné, être amoureux. Hein. D'ailleurs, dans le séminaire préparatoire qui a donné lieu à la naissance du livre, je crois qu'on vous en avait parlé depuis le début de la semaine, le discours amoureux, donc, Barthes dit que c'est une figure propre du discours amoureux. Hein. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il aurait en propre, quelque chose de central. Et c'est à ce titre aussi que Barthes le positionne dans son livre, presque au centre du livre. Alors pas au centre matériel, c'est-à-dire qu'il n'est pas pile au pivot du livre, mais quand on prend la quatrième de couverture du livre de Roland Barthes, si vous l'avez en édition originale, vous le verrez, on voit que toutes les figures qui constituent le livre sont en quelque sorte dessinées, et en plein milieu donc apparaît le « je t'aime » comme si ce dessin formait un cœur contracté autour du « je t'aime », et la figure qui est immédiatement antécédente, c'est la jalousie. Ah bah je l'ai sous les yeux, je ne m'étais jamais rendu compte de ce jeu avec la typographie de la quatrième de couve, en effet. Et effectivement, il y a une sorte de mise en regard, peut-être, des deux figures, et c'est d'autant plus intéressant que nous les traitons chez vous en regard, parce que hier vous avez analysé le je t'aime, aujourd'hui la jalousie. Donc c'est peut-être des figures qui se répondent d'une certaine manière à la figure honteuse, universelle, conforme de la jalousie, répond peut-être à la figure noble et absolument originale du je t'aime, à la figure peut-être de la dissimulation du jaloux, parce que le jaloux toujours peine à montrer qu'il l'est, en tout cas essaye de le cacher, s'opposerait peut-être aussi la profération, la volonté d'affirmer, de déclarer le je t'aime. Donc voilà, il y a tout un jeu en tout cas de construction sur la centralité du thème. Alors il est difficile de comprendre le positionnement, parce qu'il y en a un, de Roland Barthes au sujet de la jalousie, sans l'inscrire dans une toile de fond plus générale, un contexte général qui est celui d'une forme de sentiment de désuétude par rapport à ce qu'on peut appeler la sentimentalité ou le sentimentalisme. Écoutez Roland Barthes en parler, c'est une archive du 29 avril 1977. Dans l'époque actuelle, cette espèce d'amour-passion, d'amour romantique, il faut bien le dire, disons en gros, il n'est plus à la mode. Il a probablement une grande audience populaire, mais il n'est plus à la mode, c'est-à-dire qu'il n'est pas pris en charge par les grands langages théoriques ou réflexifs ou idéologiques que la modernité a produits. S'il s'agissait d'affirmer, je dirais, quelque chose comme une perversion, ou une sexualité, à ce moment-là, il trouvera effectivement un langage théorique, n'est-ce pas, depuis 20 ans, qui l'aidera à se comprendre et à s'affirmer. Mais s'il lui advient d'être amoureux comme on l'était du temps de Werther, eh bien à ce moment-là, personne autour de lui ne répond. Mathieu Messager, on peut dire que le traitement que Barthes réserve à la jalousie dans les fragments d'un discours amoureux est symptomatique de son ambition plus générale de réhabiliter la sentimentalité. Oui, tout à fait. Je pense que la figure de la jalousie, c'est peut-être la figure de la solitude par excellence. Vous savez, cette solitude qu'il met en scène dans le prologue du livre, où il dit que finalement la parole de l'amoureux, c'est toujours une parole solitaire, qui, comme il vient de le rappeler là dans l'extrait sonore que vous venez de diffuser, n'est pas pris en charge, n'est pas abrité par un langage théorique, par un langage savant, hein, qui aurait vocation à l'inscrire dans un échange rationnel, universitaire, théorique. Là, c'est véritablement une figure qui joue sans filet, un peu comme des figures comme le cœur, par exemple. Avoir le cœur gros, c'est vraiment les figures, je dirais, caricaturales de la sentimentalité, de la désuétude, du démodé, que vous avez effectivement indiqué, à tel point que il y a une stratégie peut-être de Roland Barthes ici. C'est quelque chose qui m'a frappé en relisant le fragment pour préparer cette émission, c'est que la jalousie, donc, c'est le seul fragment, la seule figure, si vous voulez, qui n'est pas définie par Roland Barthes. Hein. Toute, vous savez, en dessous l'enseigne, il y a toujours un argument qui ouvre la figure, et c'est toujours une définition donnée normalement par Roland Barthes. Là, c'est une définition absolument plate, absolument ordinaire, qui n'est pas de Roland Barthes, mais qui est puisée dans un dictionnaire, et dans un dictionnaire a fortiori, je dirais, démodé également. Le littré, ouais. Appartenant au 19e siècle, hein, appartenant de littré. Donc, il y a peut-être un intentionnellement ici quelque chose qui serait de l'ordre du porte-à-faux par rapport à la séquence théorique qu'habite Barthes, car on aurait pu tout à fait imaginer d'autres dictionnaires, hein, et des dictionnaires peut-être plus ambitieux ou d'autres définitions de savants qui, eux, auraient, en tout cas depuis le 19e siècle, donné une nouvelle épaisseur sémantique et savante à la jalousie, ne serait-ce qu'en allant puiser, par exemple, chez Freud. Là, au contraire, il y a un effet retour qui joue aussi du débonné. Oui, je disais que Barthes se positionne avec ce fragment sur la jalousie. C'est vrai de manière, disons, théorique. C'est vrai par rapport à la place qu'il occupe au milieu d'autres intellectuels de son temps. Et c'est vrai par rapport à la tradition littéraire classique, parce qu'au fond, la jalousie est un sentiment qui est disséqué, pris au sérieux, dont on loue peut-être les vertus, disons, romantiques et intensément sentimentales. Lui va dire, oui, mais finalement, il va se moquer de ceux qui se croient anticonformistes en tentant de congédier la jalousie. Oui, c'est ça. C'est d'ailleurs, je pense que vous faites allusion au dernier moment du passage, au dernier moment de la figure, où effectivement il se moque de sa génération ou des jeunes qui incarnent sa génération. Génération évidemment qui est post-68arde, hein, la génération de la fin des années 70, et qui, au contraire, prône finalement les amours pluriels, les amours partagés, le partage des cœurs, le partage des corps, sans que cela affecte d'aucune manière finalement le psychisme de l'amoureux. Barthes s'en moque un peu, parce que d'ailleurs il dit ça dans une parenthèse, hein, il dit effectivement conformisme inversé, on n'est plus jaloux, on condamne les exclusives, on vit à plusieurs, etc. Et puis cette interjection qui marque le doute, voir. Hein, il demande à voir ce qu'il en est réellement. Il ne croit pas trop à cette manière qu'à sa génération ou qu'à la jeune génération des années 70 à s'inscrire en porte-à-faux de la jalousie. Et d'ailleurs, c'est peut-être par ce fragment, cet avant-dernier fragment de la figure, que Barthes pointe son époque. Parce que si, dans la construction de tout le fragment, il va chercher des références très éloignées, à la fois dans le temps et dans l'espace, c'est le seul moment où affleure peut-être quelque chose qui relèverait de son époque, de son temps, et ça apparaît de manière très symptomatique à travers un mot central qui est le mot bourgeois. Hein, il dit, être jaloux, c'est laid, c'est bourgeois. On sait que pour l'intelligentsia de gauche, les théoriciennes de ces années-là, le bourgeois, c'est un mot slogan, hein, c'est un mot repoussoir. Et finalement, le jaloux, ici, apparaît aux yeux d'une nouvelle génération comme le frère du bourgeois, donc comme l'idéologie à absolument occulter, à absolument détruire. Difficile, quand on parle de bourgeoisie et de jalousie, de ne pas penser au film de Claude Chabrol. Pauvre Nelly, je vous ai vu, Martino et toi, sur la rivière. Et alors? Oh, je t'en prie, j'ai pas envie de parler, j'ai pas envie de discuter, je vous ai suivi, c'est tout, ça te suffit. Hein? Quand vous êtes descendu dans l'île, c'était pour jouer aux cartes? Je vous ai vu. Je vous ai vu. Qu'est-ce que t'as vu? C'est pour ça que t'es parti seul comme un fou. Que j'ai tremblé toute la journée. C'est pour ça que tu t'es mis dans cet état-là. Bien sûr qu'on s'est arrêté dans l'île. Mais c'était pour me reposer, c'est tout. Coucher dans l'herbe? Non, debout sur une pâte. Mais regarde-moi donc, imbécile! Regarde-moi! Tu vas me regarder? Tu vois pas que je t'aime, que je suis ta femme? T'as vu mes yeux? Ils sont beaux. C'est pour toi que j'ai pleuré, c'est pour toi. Je me disais, qu'est-ce que je vais devenir s'il revient pas? Sans lui, je suis plus rien. Plus rien. Jalousie. Sentiment qui naît dans l'amour et qui est produit par la crainte que la personne aimée ne préfère quelque autre. Littré. Quand j'aime, je suis très exclusif, dit Freud, qu'on prendra ici pour le parangon de la normalité. Être jaloux est conforme. Refuser la jalousie, être parfait, c'est donc transgresser une loi. Conformisme inversé, on n'est plus jaloux, on condamne les exclusives, on vit à plusieurs, etc. Voir ce qu'il en est réellement. Et si je me forçais à n'être plus jaloux par honte de l'être? C'est laid, c'est bourgeois la jalousie. C'est un affairement indigne, un zèle, et c'est ce zèle que nous refusons. Comme jaloux, je souffre 4 fois. Parce que je suis jaloux, parce que je me reproche de l'être, parce que je crains que ma jalousie ne blesse l'autre, parce que je me laisse assujettir à une banalité. Je souffre d'être exclu, d'être agressif, d'être fou et d'être commun. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie qui, chaque jour de cette semaine, nous parlons des fragments d'un discours amoureux de Roland Barthes. Aujourd'hui, fragment Jalousie, en compagnie de Mathieu Messager, qui est avec nous depuis chez lui à Nantes. Je souffre d'être exclu, d'être agressif, d'être fou et d'être commun, écrit Barthes, ici lu par Lucchini. Ça s'applique au personnage de Paul dans l'Enfer de Chabrol, dont on a entendu un extrait, Mathieu Messager, il me semble. Les quatre symptômes d'ailleurs. Oui, les quatre symptômes, c'est-à-dire que la jalousie est toujours cumulative. C'est une souffrance exponentielle que rien ne semble arrêter. Barthes, à un autre endroit, de manière beaucoup plus prosaïque, à propos de la souffrance du jaloux, parle de balle doum-doum. Vous savez, cette balle qui avait été inventée pour exploser dans les chairs et pour diffracter la douleur de manière quasiment infinie. Donc Barthes partage pleinement cette idée que la jalousie effectivement est un piège et quelque chose de très circulaire, parce que finalement le fragment, au lieu de s'ouvrir vers une résolution, ouais, se referme sur un piège, comme si l'effort de définition qu'avait voulu faire Barthes pour circonscrire la jalousie n'aboutissait qu'à cet échec pleinement circulaire où à chaque fois de toute façon on est perdu. On est jaloux, on est toujours à la mauvaise place, et quand on a l'impression de sortir d'une place, par exemple pour avoir l'impression de ne plus être fou, ben j'en retombe sur une autre, qui est « je suis commun », ou j'en retombe encore sur une autre, qui est « je suis banal ». En tout cas, l'extrait que vous avez donné, je pense que, si je peux y revenir une minute, de Claude Chabrol, j'ai beaucoup aimé la répétition finalement de François Cluzet qui joue Paul, « je vous ai vu ». Il revient comme une litanie. Je vous ai vu, je vous ai vu. Et je trouve que c'est central aussi pour comprendre le processus même de la jalousie tel que le décrit et le définit Barthes. Barthes dit que la folie vient par les images, vient par ce que l'on voit. C'est l'ouverture du fragment. Effectivement, il dit que la jalousie ne vient pas par la pensée, mais par des images, c'est-à-dire que quand, par exemple, quand il relit les souffrances du jeune Werther, il voit Albert entouré de son bras, la taille de Charlotte. Donc, finalement, cette scène visuelle, elle est vraiment comme un tableau. C'est un tableau renfermé sur le rival et sur l'objet aimé, mais c'est un tableau duquel le jaloux est exclu. En permanence. Il occupe la position fatale du tiers exclu. Et je dirais que ce tableau négatif, dysphorique de la jalousie, du moment qui cristallise la jalousie, est contrebalancé par d'autres tableaux, au contraire dans le livre de Rombard, qui sont eux des tableaux beaucoup plus heureux. C'est des tableaux du rapt amoureux, c'est-à-dire que quand Werther voit aussi Charlotte dispenser des tartines à ses frères et sœurs, il le voit comme un tableau. Mais là, c'est un tableau euphorique, un tableau dans lequel il aimerait rentrer, dans lequel imaginairement il se sent pouvoir être inclus, tandis que le tableau de la jalousie, c'est un tableau à jamais fermé, et c'est ce qui en fait effectivement sa tragédie. Alors un mot sur les références qu'emploie Barthes, parce qu'on va sans doute y revenir ce matin. Vous avez parlé de Werther et de Charlotte. Alors le texte s'appelle « Les souffrances du jeune Werther ». C'est un texte écrit par Goethe en 1774. C'est un roman épistolaire, qui est le premier roman de Goethe d'ailleurs, et qui lui apporta une notoriété considérable. Et l'histoire d'amour, est-ce que vous voulez la raconter ? Oh, ben, elle est relativement classique. Oui. C'est effectivement ce jeune Werther qui, je crois, se défait d'une ancienne relation, d'Éléonore, et qui voyage à travers l'Allemagne, et prend refuge dans un village tout à fait bucolique, alors là décrit en termes absolument romantiques, où il y a des vallons, où il y a des petites placettes, où la nature finalement reflète ce qui se passe dans l'esprit du personnage. On est en plein romantisme avec finalement tous les stéréotypes romantiques, et se rendant un jour au bal, à un bal champêtre, accompagné par une amie et une amie de la cousine également, Werther, sur le chemin, donc va chercher cette Charlotte qu'il ne connaît pas et en tombe immédiatement amoureux en la voyant encore sous une forme de tableau. Mmh. Il la voit sur le perron de chez elle, et cette scène, il va la fêter en permanence. Il va tomber éperdument amoureux. Il est vrai aussi que la conversation des deux femmes dans le landau, les amenant chercher Charlotte, a montré finalement, symboliquement, à Werther l'objet à aimer. Parce que il nous a été dit que c'est le corps le plus somptueux que connaisse la région et que c'est une femme absolument ravissante, mais qui, hélas, est prise. Mmh. Et puis, ils vont se mettre à danser, effectivement, lors de ce bal. Et ensuite, Werther va devenir le troisième, c'est-à-dire le troisième homme de ce trio amoureux, parce que, effectivement, Charlotte est promise à Albert. Et elle s'est engagée sur les plans du fiançailles, mais finalement, Werther va se mentir à lui-même en se disant qu'il est toujours peut-être possible de ravir ce cœur, et n'y parvenant pas, décide, à la fin du livre, évidemment, de se suicider, ce qui amènera d'ailleurs une vague aussi nombreuse de suicides dans toute l'Europe, hein, dans toute l'Europe romantique, qui, à l'exemple de Werther, choisira le suicide plutôt que vivre le trouble amoureux et dépasser le trouble amoureux. Oui, et Barthes joue beaucoup avec cette fin tragique. De manière grossière. Non, mais c'est au contraire, c'est très clair, et merci de ce résumé, ça nous servira aussi d'ailleurs pour demain, puisque justement le suicide de Werther est un motif récurrent dans les fragments de Barthes, et lui-même dit à quel point lors d'une scène de ménage, par exemple, dont on parlera demain, eh bien, le suicide paraît la seule issue possible, tellement ce que nous sommes en train de vivre est insupportable. Donc il joue avec cette fin possible qui n'est attirante que parce que justement on sait qu'elle ne va pas se réaliser, enfin en tout cas pour Barthes. Tout à fait. Et alors Barthes rajoute quelque chose d'essentiel quand même dans l'analyse qu'il donne du motif du jaloux. Il y a une sorte de paradoxe quand même dans cette référence qu'il convoque. C'est la première référence qui est convoquée parce qu'on aborde les références, effectivement Werther. Et il prend finalement de court un horizon d'attente commun qui aurait été de voir en Werther le jaloux. Évidemment, Werther, c'est celui qui est jaloux d'Albert. Et il nous dit non, pas du tout. Le jaloux du roman n'est pas Werther, c'est Monsieur Schmidt, le fiancé de Frédéric, l'homme à la mauvaise humeur. Personnage tout à fait secondaire, qui n'apparaît qu'une fois, d'ailleurs, sur deux pages dans le roman, et qui, effectivement, se montre être quelque peu jaloux de la privauté que Werther est en train d'engager avec son amoureuse, mais tout simplement sur le plan de la conversation. Mmh. Et Werther va lui faire une leçon. Il va lui faire une leçon, il va lui dire « ça va pas, on ne peut pas être ainsi de mauvaise humeur parce que vous capturez l'autre sous votre mauvaise humeur, vous lui gâchez sa joie et au contraire, l'amoureux doit sublimer cette mauvaise humeur pour ne pas altérer la bonne humeur joyeuse de l'objet amoureux. » Et c'est finalement le comble de la mauvaise foi, parce que celui qui va vraiment altérer la bonne humeur du roman, c'est bien Werther, par un suicide quand même qui est capital. Oui, pour la bonne humeur, c'est pas tellement recommandé. Alors, on va faire un petit pas de côté, justement, puisque vous parlez de la mauvaise humeur. On oublie trop souvent que le jaloux est aussi très souvent de mauvaise humeur. Voici un extrait du fragment Nuage, où l'humeur devient mauvaise. Et en effet, on entend la façon qu'a Werther d'être en pleine mauvaise foi. Werther fait le procès de la mauvaise humeur. Elle vient de notre jalousie, de notre vanité. C'est un mécontentement de nous-mêmes dont nous faisons porter le poids aux autres, etc. « Nommez-moi, dit Werther, l'homme qui, étant de mauvaise humeur, est assez honnête pour le dissimuler, le supporter tout seul, sans détruire la joie autour de lui. » Cet homme est évidemment introuvable, car la mauvaise humeur n'est rien d'autre qu'un message. Ne pouvant être manifestement jaloux sans divers inconvénients, dont le ridicule, je déplace ma jalousie. Je n'en donne qu'un effet dérivé, tempéré, et comme inachevé, dont le motif véritable n'est pas dit ouvertement. Incapable de cacher la blessure et n'osant en déclarer la cause, je transige. Je fais avorter le contenu sans renoncer à la forme. Le résultat de cette transaction est l'humeur, qui se donne à lire comme l'index d'un signe. Ici, vous devez lire que quelque chose ne va pas. Je pose simplement mon pathos sur la table, me réservant de déplier le paquet plus tard selon les circonstances. Soit que je me découvre, au gré d'une explication, soit que je me drape. Telle est la mauvaise humeur. C'est un signe grossier, un chantage honteux. Toi, tu faisais la tête. Toi, tu boudais ton plaisir. Non, j'étais crevée. Tu étais crevée, mais tu signais sans douleur les programmes qu'on te tendait. Je n'ai pas cessé de t'observer. Par-dessus l'épaule de Madame Duranty. Oui, parce que ce soir-là, j'étais jalouse aussi, figure-toi. Vous êtes assis à l'orchestre. Tu n'entendais qu'elle. Tu ne voyais qu'elle. Elle parlait. Toi, tu riais en l'écoutant. Je n'existais plus pour toi. Oh, tu étais vraiment seul au monde avec Madame Duranty. Moi, je me disais, il rit. Il est heureux. Et si brusquement je me mêlais à leur conversation, sa gaieté tomberait aussitôt. Tu ne m'as même pas entendu quand je me suis assise derrière vous. Et soudain, je n'ai plus été malheureuse. Plus du tout. Ni triste, ni inquiète, ni fatiguée. Je regardais le joli dos de Madame Duranty. C'était à elle de rire maintenant. Je pensais qu'il ne tenait qu'à moi de stopper ce rire. C'était une sensation extrêmement agréable d'ailleurs. Un. Deux. Deux et demi. Trois. Je vous demande pardon, j'ai pas fait exprès. Est-ce qu'il prend des points un peu folles, non? Je vais m'épanouir, soutenez-moi. Je suis vraiment désolée. Ah, les trésors cinématographiques dégotés par Laurence Malanda pour cette semaine sur Barthes. C'était un extrait de La Minute de Vérité, le film de Jean Delannoy qui date de 52. Vous aurez peut-être reconnu Jean Gabin et Michel Morgan. Et c'est, d'ailleurs, c'est là toute la force de ce texte, Mathieu Messager, c'est qu'on passe de références peut-être inconnues aux lecteurs, hein, Werther n'est pas connu de tous les lecteurs du 21e siècle, à des choses très concrètes, à savoir bah, la mauvaise humeur, le partage des oranges, le fait qu'on tartine des tranches de pain, et si bien qu'on change, on passe d'un registre à l'autre en permanence et qu'il est impossible de ne pas se sentir concerné à un moment ou à un autre. Tout à fait, oui, c'est la très grande force du livre de Roland Barthes, finalement d'avoir des moments d'inflation quand même sur le plan de la pensée, sur le plan savant, et puis de déflation complète en allant chercher dans des choses beaucoup plus communes, beaucoup plus prosaïques, qui appartiennent effectivement au registre de tous. Hein. C'est pour ça que le livre a eu cette fortune que l'on connaît. C'est vraiment le livre de chacun, pas de tous, parce que de tous, finalement, il perdrait sa singularité à chaque fois, mais le livre de chacun, à chaque fois nouveau, sous le regard de chaque nouveau lecteur. Mais revenir à la mauvaise humeur, effectivement, c'est quelque chose de très commun. Et en même temps, je trouve que dans la façon qu'a traité Barthes justement de ce registre de l'humeur revient aussi à quelque chose qui est de l'ordre de la comédie, de l'ordre finalement d'une entrée classique dans le personnage du jaloux. Parce que la mauvaise humeur, c'est aussi renvoyé au théâtre de Molière. C'est renvoyé à tous ces fâcheux qui sont de mauvaise humeur, qui sont fâchés. Et voilà, c'est revenir à quelque chose qui est de l'ordre de la comédie ici, je trouve. Et moi, ça me fait penser beaucoup, et d'ailleurs les rires qu'on entendait derrière, ouais, dans l'extrait vidéo, ça me fait penser beaucoup à celui qui se plaint du fait que sa promise ne lui est pas destinée et qui fait rire tous les gens assemblés autour de lui, c'est Alceste. Alceste, c'est vraiment le misanthrope, donc, hein, le misanthrope, ouais, de Molière, dont le sous-titre est toujours l'atrabilaire amoureux. Hein, donc celui qui, évidemment, est pourvu de bile noire. Et qui est jaloux. Et qui est jaloux. Est jaloux de tous et du monde entier. Ouais. Non seulement jaloux de sa femme, de ce qui pourrait prétendre au cœur de Célimène, mais jaloux plus globalement et plus maladivement du monde entier. Donc je trouve qu'il y a de ça aussi. Et dans l'extrait que vous venez, il y a aussi une sorte de rivalité qui se crée entre la mauvaise foi dont on parlait de Werther, hein, qui pérore, qui fait un discours ici, plein de raisons, et Barthes qui s'en moque finalement. Il y a une sorte de duo presque. Cet homme est évidemment introuvable, dit Barthes, après nous avoir donné l'argument de Werther. Donc là, il souligne la mauvaise foi. Et ce qui est intéressant, pour terminer peut-être sur ce fragment, si je peux juste finir, l'amoureux, finalement, en tout cas le jaloux ici, est toujours le créateur, voilà, d'un petit théâtre de signes. C'est-à-dire qu'il ne veut pas montrer ouvertement qu'il est jaloux, mais il va transiger par la mauvaise humeur. Hein. Il va pas dire ou exploser en affirmant sa jalousie, mais effectivement, il va tout simplement dire qu'il est de mauvaise humeur, qu'il bute sur sa mauvaise humeur. Donc, c'est-à-dire que le jaloux perçoit aussi l'autre comme étant doué de la même capacité que lui à lire tous les signes. Parce qu'on sait bien que l'amoureux et le jaloux, c'est celui qui lit en permanence les signes, qui essaye de décoder. D'où la parano. D'où la paranoïa, qui essaye de décoder ce que pense l'autre, qui essaye de décoder même l'inconscient de l'autre, son désir inconscient, et qui, par là même, a toujours raison. Mais en lui offrant ce théâtre, c'est un petit peu un théâtre qui tourne à vide, parce que finalement, l'être aimé n'est pas forcément doué de la même capacité à lire tous les signes que le jaloux. L'autre aimé n'est pas un aussi bon lecteur que le jaloux. D'où ces petits théâtres qui apparaissent plein de fois dans les fragments d'un discours amoureux, des petits théâtres, des petites scénettes comme ça, qui tournent à vide. Et je vous renvoie par exemple au motif des lunettes noires. Oui. Vous savez que l'amoureux blessé par un menu accident dans le ciel radieux de son histoire d'amour est d'un coup triste. Et comment signifier cette tristesse sans finalement la déclarer ? Tout en la cachant, mais en la faisant signifier, ben, il va trouver l'idée de porter des lunettes noires. Donc, c'est-à-dire d'apposer un masque et en même temps désigner ce masque et donner à l'autre la capacité d'analyser ce que veut dire ce masque. Donc, voilà. C'est extraordinaire. Ça rappelle le rire de Madame Verdurin décrit par le narrateur de Proust, justement, qui, parce qu'elle plonge la tête dans ses deux mains en bougeant les épaules, joue le fait qu'elle est en train de rire. Et c'est pareil avec les lunettes noires qui viennent jouer le fait qu'on est triste. Je joue le blessé, sinon je joue le jaloux. Voilà. Ce sont toujours des signes grossiers, mais Barthes insiste beaucoup sur le mot de signe, car en bon sémiologue, il voit bien que le jaloux est d'abord celui qui analyse tous les signes et celui qui en propose divers signes aussi à l'amoureux, enfin à l'être aimé plutôt. Il le dit dans le texte de La mauvaise humeur qu'on a entendu, justement, cette dimension de comédie que vous pointez. Je pose simplement mon pathos sur la table, me réservant de déplier le paquet plus tard selon les circonstances. Ou comment, en une phrase, Barthes trouve les mots exacts pour décrire le fait que nous sommes parfois, malgré nous, jaloux ou pas d'ailleurs, mais tributaire d'une espèce de jeu dont nous sommes partie prenante sans le vouloir et on est obligé de jouer une partition. C'est ça que Barthes décrit à merveille au fond. Tout à fait, mais l'amoureux finalement la joue de manière quasiment solitaire. C'est aussi. Alors chez Barthes, c'est vrai. Mais son paradoxe, c'est-à-dire qu'il joue la partition du grand lecteur des signes, mais il met en avant aussi ces signes que l'autre finalement a peine à analyser. Ouais. D'où ces petits théâtres qui tournent au comique. Parfois. Mais Barthes en a parfaitement conscience, et justement inscrit ces petits moments de scénettes, de drames du quotidien pour ridiculiser le jaloux. Alors justement, puisque vous parlez du quotidien, on dit depuis le début de l'émission qu'un des problèmes de la jalousie pour Barthes, c'est le fait d'être commun. Pourquoi est-ce un problème d'être comme tout le monde ? C'est un problème quand on se place du point de vue, encore une fois, de la séquence intellectuelle qui est la sienne, que vous avez un petit peu indiqué au début de notre échange, c'est-à-dire que pour des gens de la génération de Barthes, pour des penseurs de la trempe de Barthes, être commun, c'était évidemment la pire des choses. Il fallait être original, il fallait affirmer des idées nouvelles, être proposeur de sens et n'être pas dans la répétition du sens, et surtout pas du sens commun. Or là, effectivement, aux yeux de Barthes, mais est-ce que c'est Barthes qui parle ? Est-ce que c'est Barthes qui dit qu'il est vraiment commun ? C'est plutôt la société qui dit du jaloux qu'il est commun. Barthes, au contraire, lui, affronte ce caractère commun, universel, normal de la jalousie. Donc il n'y a pas de honte, je pense, du point de vue de Barthes, si tant est qu'il souhaite nous donner vraiment une lecture des propos de l'amoureux sous la bannière de la normalité, de la communauté. Au contraire, tout son objectif, c'est d'affronter le cliché, c'est d'affronter le commun, c'est justement de faire réentendre une parole qui a été mise sous silence par des gens qui n'affrontent que des idées peu communes et extrêmement originales, extrêmement signifiante. Or là, effectivement, c'est la maladie de tous, c'est la maladie universelle et duquel on peine à sortir et qu'on peine à analyser en tant que thèse. C'est-à-dire le commun résiste aussi. Mais c'est le jaloux qui se sent commun, non ? C'est le jaloux qui s'en veut d'être jaloux parce que par là, il ressemble à tout le monde. Il ressemble à monsieur tout le monde, oui, effectivement. Ouais. Ouais. Et il souffre de ce commun alors que l'autre, au contraire, l'autre est absolument original. L'aimé, l'être aimé. Et d'ailleurs, l'être aimé, sa particularité, son originalité, ce que Barthes va appeler l'intraitable, l'être aimé Barthes fait de l'être aimé quelqu'un d'absolument atopique, comme il le dit d'un mot un petit peu savant, c'est celui qui est irréductible au commun, irréductible au topos, au lieu commun, alors qu'en face de lui, s'affaire dans la coulisse cet être effectivement absolument commun qui est lui quand même sous le registre du topos et du lieu commun. Donc il y a aussi ce pas de deux hein, avec l'atopos amoureux et le topos qui est le jaloux. Je dirais que l'intellectuel est quelqu'un de présent, d'insistant dans le monde, mais en même temps qui est finalement exclu. Et je pense que ça, c'est la vocation juste de l'intellectuel. Et dans la mesure où mon livre, disons, prend en charge une certaine marginalité, une certaine déviance, si je puis dire, par rapport à la mode, eh bien, c'est un livre qui est un livre d'intellectuel. Mais en même temps, j'ai tenu à ce que ce soit un livre écrit, qui soit pris dans le travail d'une véritable écriture, et non pas simplement la délivrance d'un simple message intellectuel, parce que je crois que, au fond, aujourd'hui, l'écriture, le travail de l'écriture, le travail du texte, comme on dit, a une valeur militante, en quelque sorte, a une valeur de dissidence, et au fond, nous découvrons de plus en plus que la tâche véritable de l'intellectuel, aujourd'hui, dans nos sociétés, c'est d'être un dissident. Alors Mathieu Messager, si on prend Roland Barthes au sérieux, est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire que écrire et décrire la jalousie, ce serait le meilleur moyen d'échapper au conformisme de ce sentiment, mais au conformisme bien des intellectuels qui entourent Barthes à cette époque? Tout à fait. Alors là, je pense que vous soulignez quelque chose qui est central et qui revient souvent dans le livre, qui est comment effectivement réinventer une dissidence depuis le commun. Hein. Et le livre, je dirais qu'il est dissident sur deux registres. D'abord, et vous l'avez rappelé je pense, avec Éric Marty, il est dissident d'un point de vue formel. C'est-à-dire que là où les lecteurs de Barthes ou le monde intellectuel attendaient peut-être un propos théorique, suivi, dissertatif sur l'amour ou sur le sentiment amoureux, effectivement, on va ne trouver qu'une parole un peu pauvre, que le jeu de l'amoureux qui parle, qu'un discours, et non d'une théorie sur un discours. Mmh. Et Barthes renverse finalement les trois instances de la rationalité intellectuelle. Première instance qu'il renverse, c'est l'ordre dissertatif, si l'on veut, hein, parce que pour proposer une théorie, ben, il faut disserter, faut amener des arguments, les développer. Deuxième ordre qu'il renverse, c'est la consécution, c'est-à-dire que l'ordre de son livre est complètement alphabétique, donc soumis au registre de l'arbitraire et non plus de la construction, par arguments développés qui s'enchaînent les uns les autres. Et troisième ordre de renversement, ce sont les références et l'attestation. Barthes prend de très grandes libertés avec les références qu'il emploie. C'est tantôt des conversations avec des amis, tantôt des références venues de livres qu'il cite de manière allusive, etc. Donc sur le plan formel, déjà, il y a une forme de dissidence par la construction de l'objet. Et évidemment, il y a une dissidence aussi sur le plan thématique, qui est de traiter non plus l'amour, parce que l'amour est traité par la philosophie depuis ses origines, jusqu'à certains séminaires de Jacques Lacan. C'est pas l'objet amour qui pose problème, hein, mais c'est bien la parole de l'amoureux qui est dissidente. Et Barthes, vous avez raison, va essayer d'offrir une nouvelle transgression, ici, en partant du principe que on ne pourra transgresser cette modernité qui nous interdit de parler de l'amour qu'en affirmant justement ce qu'elle refoule. Parce qu'il dit que finalement, des sujets ou des motifs comme le sexe, comme la mort, comme le corps, comme la jouissance, sont devenus finalement le bréviaire de sa génération. Et par là même, sont devenus l'absolue moralité du champ intellectuel. Il est extrêmement moral de parler du sexe, finalement. Et ce qui devient, au contraire... Enfin, ils ont mis en avant, finalement, une morale de l'antimorale, comme dit Barthes. Hein. Tout ce qui est antimoral devient moral. Donc, qu'est-ce que fait Barthes? Ben, il va prendre une dissidence avec ça, et il va prôner que, finalement, le vrai moralisme, lui, est dissident. Et il dit, d'ailleurs, à un moment... J'ai noté cette phrase qui est tout à fait drôle et symptomatique de ce que vous venez de dire. Il dit que ce qui est devenu obscène aujourd'hui, c'est pas Sade, mais c'est le magazine Nous Deux. Oui. Je ne sais pas si c'est un magazine que vous avez l'habitude d'évoquer sur France Culture, mais un vieux magazine, j'imagine, qui parle des people, hein, qui parle des relations amoureuses entre les gens connus. Et Barthes dit « Nous Deux, le magazine, est plus obscène que Sade. Et ben, je trouve que ça traduit peut-être bien ce qu'il veut faire, c'est-à-dire le cœur, la jalousie, le sentiment amoureux est peut-être plus obscène que le sexe, que la jouissance. Au fond, Barthes réveille le snob en nous. À chaque fois qu'il propose quelque chose, là, le fait qu'il dit « je », il parle d'amour et il se rend bien compte que ça bouscule un certain état de fait. Et il nous fait prendre conscience que nous-mêmes, d'emblée, nous classons les choses, les catégories, les pensées dans une hiérarchie imaginaire, mais en même temps tout à fait réelle. Et Barthes essaye de briser cette hiérarchie-là. Oui, tout à fait. Une sorte de bouger. Finalement, c'est une sorte. Il revient, mais avec un pas de côté, à ce qu'il faisait déjà dans les mythologies. C'est oui, là où les mythologies étaient destructives, quand elles étaient portées par un projet. Donc dans les années 50, c'était 20 ans avant. Oui, dans les années 50, tout à fait, 20 ans avant, porté par un projet, au contraire, de faire exploser tous les mythes, tous ces mots de la société qui viennent trop pleins d'eux-mêmes. Là, il y a une sorte de phénomène retour où Barthes affronte cette fois-ci le trop-plein, mais du point de vue du jaloux et avec une indulgence beaucoup plus fine, beaucoup plus singulière. Donc c'est aussi cette sorte de, il fait de la jalousie ou des mots communs ou des mots stéréotypés, peut-être des mythologies à nouveau heureuses ou des mythologies qu'il faut déconstruire, qu'il faut faire jouer, qu'il faut refaire travailler, comme le je t'aime par exemple, mm-hmm. qui est le stéréotype par excellence, hein, mais qui a été effectivement, qui est retravaillé, redéfini par Barthes jusqu'à en inventer un nouveau mot, un mot extrêmement coalescent avec ses tirets, je-t-m, qui n'est plus du tout le je t'aime, mais qui est finalement une formule incantatoire. Donc, tout un jeu de réappropriation par le travail formel, par la pensée, de mots fortement mythologisés, quand même. Mais était-il si seul que ça, être dans cette voie-là, au fond? Même dans la forme du texte, j'avais insisté sur la façon qu'il avait de prendre à rebours l'ordre habituel d'un essai, disons, l'ordre dissertatif, l'ordre consécutif, les références, etc. Si on pense à des penseurs contemporains, si on regarde du côté de Deleuze et Guattari, on a aussi des textes qui sont très hybrides, qui ont des références complètement inattendues et des formes nouvelles. Oui, tout à fait. Il est quand même partie prenante d'un mouvement formel. Mais pas seul contre tous, quoi. Pas seul contre tout, mais peut-être quand même cette simulation du jeu et cette platitude de certains fragments, ce vis-à-vis avec le plat, avec le transparent, avec l'évident, est quand même quelque chose d'assez singulier, je trouve. Oui, c'est la façon qu'il a de ressaisir le cliché, vous l'avez dit. Peut-être que c'est le seul à le faire. De cette manière-là. Les différents types d'amour chez Barthes, alors on en a rapidement parlé, et la jalousie est transversale, on la retrouve dans tous les types d'amour, mais il est une référence qui revient sans cesse au cours du texte et aussi dans ce fragment, évidemment, c'est Marcel Proust. Sur le point de frapper contre les volets, il eut un moment de honte en pensant qu'Odette allait savoir qu'il avait eu des soupçons, qu'il était revenu, qu'il s'était posté dans la rue. Elle lui avait dit souvent l'horreur qu'elle avait des jaloux, des amants qui espionnent. Ce qu'il allait faire était bien maladroit. Et elle allait le détester désormais, tandis qu'en ce moment encore, tant qu'il n'avait pas frappé, peut-être, même en le trompant, l'aimait-elle. Il se haussa sur la pointe des pieds. Il frappa. On n'avait pas entendu. Il refrappa plus fort. La conversation s'arrêta. Une voix d'homme, dont il chercha à distinguer auquel de ceux des amis d'Odette qu'il connaissait elle pouvait appartenir, demanda « Qui est là ?» Il n'était pas sûr de la reconnaître. Il frappa encore une fois. On ouvrit la fenêtre, puis les volets. Maintenant, il n'y avait plus moyen de reculer. Et puisqu'elle allait tout savoir, pour ne pas avoir l'air trop malheureux, trop jaloux et curieux, il se contenta de crier d'un air négligent et gai « Ne vous dérangez pas, je passais par là, j'ai vu de la lumière, j'ai voulu savoir si vous n'étiez pas souffrant. » Il regarda. Devant lui, deux vieux messieurs étaient à la fenêtre, l'un tenant une lampe. Et alors il vit la chambre, une chambre inconnue. Ayant l'habitude, quand il venait chez Odette très tard, de reconnaître sa fenêtre à ce que c'était la seule éclairée entre les fenêtres toutes pareilles, il s'était trompé et avait frappé à la fenêtre suivante qui appartenait à la maison voisine. Il s'éloigna en s'excusant et rentra chez lui. heureux que la satisfaction de sa curiosité eût laissé leur amour intact. Et qu'après avoir simulé depuis si longtemps vis-à-vis d'Odette une sorte d'indifférence, il ne lui eût pas donné, par sa jalousie, cette preuve qu'il l'aimait trop, qui, entre deux amants, dispense à tout jamais d'aimer assez celui qui la reçoit. Il ne lui parla pas de cette mésaventure, lui-même n'y songeait plus. La parole, ensuite là, André Dussolier qui lit le texte de Proust comme sur des petits pas, à pas de loup, à pas de velours, et qui vient s'immiscer dans les réflexions de Barthes sur la jalousie. Il y a quelque chose à la fois d'assez attendu, Mathieu Messager, puisque je l'ai dit, Proust est beaucoup, beaucoup cité, et en même temps, à chaque fois, de surprise par la pertinence. Au fond, tout ce que dit Barthes sur la jalousie notamment se trouve dans La recherche du temps perdu. Il y a une grande coïncidence entre les deux. Oui, c'est une coïncidence que Barthes met souvent en scène, d'ailleurs, et au-delà des fragments d'amoureux, c'est-à-dire que le texte de Proust, hein, La recherche du temps perdu, Barthes dit que, à ses yeux, c'est une mathésis, c'est un objet, il emploie ce terme savant pour dire que c'est un objet total de savoir, et finalement, tout a été dit, pensé, analysé par Proust, tout est déjà dans Proust. Hein. L'absolue antécédence de Proust fascine Roland Barthes. Et il le rappelle d'ailleurs sur le plateau de Bernard Pivot. Mmh. Et là, la référence qui est faite à Proust dans le fragment qui nous intéresse est assez d'ailleurs laconique. Hein. Il se questionne juste sur l'amoureux proustien et se demande s'il en existe vraiment des amoureux proustiens. Ouais. Il dit que finalement, non, il n'est que jaloux. Il n'est que jaloux. Et je trouve qu'il pointe une catégorie de jaloux tout à fait pertinente, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne peuvent être amoureux que parce que jaloux. Et chez Swann, dans son rapport avec Odette, mais aussi après le narrateur, Swann est le type même du personnage qui ne peut tomber amoureux que lorsqu'il devient jaloux. Et la scène est tout à fait centrale, hein, elle est dans un amour de Swann, où il se rend compte, c'est-à-dire qu'il a construit son amour, Swann, sur l'imaginaire, c'est-à-dire qu'Odette ne lui plaît pas au début. Oui. Odette, il la trouve fade, insipide, il y a des descriptions d'ailleurs très très méchantes. Très cruelles. Très cruelles, sur ses yeux qui tombent, sur son front, et il va être obligé quand même d'utiliser deux expédients pour la trouver belle. Il va utiliser l'art à travers Botticelli. Hein. Il va retrouver dans le portrait de Zephora, dans la chapelle Sixtine, les traits finalement d'Odette. Et là, va commencer à la trouver belle. Et aussi la sonate de Vinteuil, c'est-à-dire que cette petite phrase jouée par le pianiste lui rappellera sans cesse que finalement il a raison d'être amoureux parce que ça lui met dans cette symbiose artistique, cette symbiose musicale et visuelle. Il devient amoureux par ce genre d'expédient. Mais il deviendra vraiment amoureux, au sens, cette fois-ci, le plus plat, le plus universel, quand il va se découvrir être jaloux. C'est en venant un soir chez Madame Verdurin, alors qu'il avait l'absolue conviction qu'Odette serait toujours là, à disposition, à l'heure fixée. Eh ben, un jour, Odette n'y est plus. Et il lui arrive quelque chose qu'il ressent. D'ailleurs, Proust le dit, alors je paraphraserai, mais il ressent un petit point du cœur. Mmh. Et à partir de là, l'hémorragie de la jalousie va ne faire que grandir et va faire en sorte que Swann est de plus en plus amoureux parce qu'Odette est soumise aux autres, soumise au regard des autres, à la possibilité d'être dans les bras d'autres. C'est vraiment le jaloux essentiel. Oui, et en même temps, cette jalousie-là, si elle est essentielle à l'amour pour Swann, elle n'est pas pour autant assumée comme telle. Le texte qu'on a entendu le dit très bien dès le début. Il eut un moment de honte en pensant qu'Odette allait savoir qu'il avait eu des soupçons. Tout à fait, mais ça n'altère pas l'autre argument, c'est-à-dire qu'il est véritablement jaloux, amoureux parce que jaloux, mais effectivement ça n'éteint pas la honte, ça n'éteint pas la petitesse, ça de l'épiment, on va aller regarder à travers peut-être les volets, ça rappelle aussi cet autre grand texte de la jalousie, qui est le roman de Rob Grillet, qui porte le nom La jalousie, et qui est véritablement une description d'un regard. C'est vraiment le livre, c'est une histoire d'un œil, c'est l'histoire d'un œil jaloux qui observe à travers les déplacements, à travers certains objets déplacés, à travers Franck qui semble tomber amoureux de la femme dont il est épris. Ben, c'est cette observation complètement maladive, complètement monstrueuse, qui analyse tout objet, tout déplacement d'objet, et qui le cerne par l'œil. Et c'est très, très typique du jaloux, là, l'observation. Le fragment jalousie se referme comme un piège. Mathieu Messager, on est au quatrième, il y a quatre courts paragraphes, on en a entendu la plupart, et on revient avec celui qu'on avait entendu au début, hein, justement, je souffre d'être exclu, d'être agressif, d'être fou et d'être commun. Et puis le paragraphe est situé quasiment en haut de la page, donc il y a une longue page blanche que l'on tourne et on arrive à l'autre fragment, je t'aime, mais il y a quelque chose, une sorte de malaise qui se crée dans la peau du lecteur qui lit ça. Oui, c'est un piège immobile. Mmh. Ça c'est terrible. C'est un piège tragique par essence, et ce qui donne aussi au traitement que fait Barthes de cette figure une sorte d'immobilité, je trouve. C'est-à-dire qu'il y a des figures qu'il arrive à démêler, il y a des figures qui arrivent à avoir des portes de sortie par le haut, je dirais. Ici, il n'y a aucune porte de sortie. Le jaloux est comme une bête traquée, piégée. Effectivement, ça crée un malaise jusqu'à la profération du « je t'aime » qui sera peut-être une porte de sortie, en tout cas plus euphorique et moins dysphorique que cette fin de non-recevoir qu'est la vie du jaloux. Est-ce qu'on peut dire que chez Barthes, l'écriture est une forme de... Alors, peut-être pas de thérapie, parce que je suis pas sûre que Barthes ait envie de moins souffrir, mais est-ce qu'il y a une jouissance dans la pertinence des mots trouvés pour décrire ce qui nous anime ? Oui, il y a une jouissance de nuancer les mots peut-être trop communs qui nous viennent aux lèvres pour parler des affects qui nous animent. Et Barthes trouve une jouissance quand il dérive aussi un peu d'un point de vue sémantique. C'est-à-dire que la jouissance arrivera par des mots qui n'appartiennent pas vraiment à notre dictionnaire, par des mots qui ne sont pas vraiment de notre vocable. Et les fragments les plus réussis sont peut-être les fragments qui sont écrits dans une langue étrangère, comme disait Proust. Oui. Mais effectivement, je trouve que, par exemple, la figure « fading », ou la figure « non vouloir saisir », qui est quand même une invention aussi formelle, ou « vouloir saisir », sont voilà, des fragments qui peut-être s'en sortent par le haut. Ce sont des fragments beaucoup, beaucoup plus nobles, et dans lesquels Barthes trouve une forme de jouissance à aller puiser. Et si on pouvait terminer là-dessus, d'ailleurs, sur le « fading », ce serait la figure anoblie de la jalousie. Pourquoi ? Parce que pour expliquer aux auditeurs, peut-être qu'ils n'ont pas forcément... Allez-y, reste quelques secondes. Oui, quelques secondes. Cette figure en tête, le fading, c'est ce moment où l'amoureux meurt à l'amour. C'est-à-dire que l'objet que l'on aime, ben, désinvestit l'amour, n'est plus amoureux de nous, sans forcément que son amour soit adressé à quelqu'un d'autre. Donc sans forcément que la jalousie puisse avoir prise. Mmh. Et Barthes trouve là-dedans quelque chose de très beau, dans cette sorte de jalousie finalement refusée. Il trouve une forme de sublime. Il sublime la figure de rival, en tant que le rival, c'est l'absent, parce que c'est l'autre qui s'est absenté de l'amour sans qu'il y ait un rival. C'est une très belle figure, je trouve. Eh bien, c'est nous qui allons fader cette émission. Il n'y a pas de rival, vous n'avez aucun rival, Mathieu Messager, mais il est temps de presque rendre l'antenne. Je vous remercie infiniment d'avoir discuté ce matin de Roland Barthes. Merci à vous. À ce micro, presque. Et je renvoie au site que vous avez créé, roland-barthes.org, où les auditeurs trouveront de précieuses informations autour de Roland Barthes. Évidemment, on se quitte avec Armand Mestral. Jalousie, tu viens ramper autour de moi comme un serpent perfide et froid. Jalousie, tu rives dans ta chaîne, mon cœur glacé d'effroi. Jalousie, tu viens salir de ton vol la blanche trame du destin. Jalousie, tu fais surgir la haine dans l'ombre du chemin. Jamais tu ne me livres ton secret, mais tu sais ce qu'il faut tour à tour pour empoisonner au long des jours mon amour. Jalousie, par toi je sais qu'un étranger a pris ma belle au cœur léger. Jalousie, j'attends dans ma folie la joie de me venger. écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. Il est l'heure de retrouver, comme tous les jours, la chronique quotidienne de Frédéric Worms, le pourquoi du comment. Comment connaître une société ? On parle parfois du social, de la dimension sociale de nos vies, du lien social aussi qui régit les individus. On en parle comme d'une sorte de dimension un peu vague, un peu obscure, de ce qui nous relie, de ce qui nous sépare, de nos conflits. On voit bien que c'est essentiel, mais au fond, il y a quelque chose qui est très proche et qui est aussi un peu différent, c'est l'idée même de la société. Une société comme un tout, indépendant des individus, ce n'est peut-être pas seulement une dimension sociale parmi d'autres, une dimension de nos vies parmi d'autres, mais une réalité indépendante. Et il faut s'interroger sur ce mot société, que désigne-t-il exactement et comment le connaître, comment faire de cette réalité, non pas un mystère opaque, mais au contraire, l'objet d'un savoir qui puisse éclairer une action individuelle et collective, puisque cette dimension sociale, justement, intervient dans nos vies. Cette idée de société comme totalité, qui est plus qu'un lien social inter-individuel, elle est au cœur de cette science qu'on appelle la sociologie. Elle a été fondée à plusieurs reprises, comme beaucoup les sciences sociales d'ailleurs, mais à un moment très précis de la philosophie française, en particulier en 1895, dans un texte majeur du sociologue, philosophe devenu sociologue, Émile Durkheim, intitulé « Les règles de la méthode sociologique ». Quelle est la thèse de Durkheim dans ce livre fondateur, même si ensuite il a pu évidemment être critiqué. C'est justement l'idée que la société est un fait indépendant, objectif, indépendant des représentations individuelles, quelque chose qui a des lois, quelque chose qui est l'objet d'une science et d'une connaissance spécifique. Et quel est le critère de la société ? Non pas du lien social un peu vague qui nous relie les uns aux autres, mais de la société. Ce caractère, dit Durkheim, c'est le fait qu'elle s'impose aux individus à travers le fait de l'obligation, des règles collectives que personne n'a construites peu à peu, mais qui pourtant s'imposent à tous. Il prend plusieurs exemples et d'abord, le langage. Le langage a des règles. Personne ne les a véritablement créées. Les grammairiens les décrivent, mais ils ne les ont pas inventées. Le sens des mots s'élabore en quelque sorte tout seul. C'est ce que Durkheim appelle un fait social. Il en est de même, dit-il, de certaines catégories de notre connaissance. Il en est de même, selon lui, de la religion. Il en est de même des lois et des institutions. Connaître une société, c'est connaître les faits collectifs en tant qu'ils s'imposent aux individus et de manière différente dans chaque société. La sociologie est aussi une science descriptive. Comment nos sociétés fonctionnent, avec quelles règles collectives, quelles sont les obligations que ressent un membre d'une société par opposition à une autre. Nous n'avons pas les mêmes règles en deçà ou au-delà des Pyrénées, c'était le sens du relativisme de Blaise Pascal encore, les coutumes aussi de Montaigne, eh bien oui, mais il y a des règles pour chaque société. Et finalement, en deçà des Pyrénées, on dîne à telle heure, au-delà des Pyrénées, on dîne un peu plus tard, mais ce sont des obligations, des rites, des coutumes sociales qui ont leurs règles et qu'il faut connaître. La sociologie de Durkheim a bien sûr été critiquée, on a d'autres outils de connaissance, l'enquête, sur le terrain, les statistiques, mais aucune société ne peut vivre sans se connaître elle-même. Le propre des sociétés modernes, c'est leur réflexivité, c'est par les sciences sociales de se comprendre elle-même comme société et de progresser comme société. Merci beaucoup Frédéric Worms, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site de France Culture ou bien à télécharger, à podcaster à la page Le Pourquoi du Comment. Et un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui m'aide chaque jour à préparer cette émission. Aujourd'hui, c'était Manon de la Selle avec Avril Poignant-Le Goff, Clara De Giovanni, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, Lila Bozès, Laurence Malonda qui réalise pour vous cette semaine autour des fragments amoureux de Roland Barthes. À la lecture des textes, c'est Denis Podalides, vous entendez aussi du Fabrice Lucchini et du André Dussolier qui lit Proust aussi. Clément Datet était la prise de son ce matin. On se donne rendez-vous demain pour la suite et fin de cette série. Demain, on parlera de la scène de ménage et on sera en compagnie de Chantal Thomas. D'ici là, vous pouvez réécouter cette émission en vous rendant sur le site de France Culture ou bien en téléchargeant l'application Radio France, grâce à laquelle vous pouvez écouter les émissions en direct ou en téléchargement en podcast pour les écouter où vous voulez et quand vous voulez. On vous donne également rendez-vous sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook. On est toujours ravis de lire vos commentaires et de répondre à vos questions. À demain, 10h. Mais d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.